Ali Chocolo, yeah. Oh, la demi-là, quoi, l'autre vision. C'est la voix de l'apprentisse. Va bien donc à Chocolo, quand tu regardes. Les qui a fait chaud en même pas. Fais bon, ma soeur, soyons Mère Mondele, Odin Kinwa, Aminata Mbaki, Boda Boda, Kin fait service, c'est beau là, Claude Eden, Kin Malebo, Deshaï Mokili. Yo kangai mobali na yo kulumu tushora na konzemba o. Tosie, tosali bambula mwa ebele, esi mama, toboti bananga ina yo jiditepe ya botie. Bokolo bebe pe fina na esengo ye koko ya liboso nzamba tindeli nga na yo tobatela ye lokola likie likweya te mama soki likweye wana lipasuki Carlito de London bolingo na biso se lopetela masa na mosapi mpelelo yokende yotikanga ina naniyeye Mama pasera kosenga e la kosenga la ya fidelite mama Fesa la mure na la guerre Fesa la mure na la guerre Debore ndira ma Nanyali si yomu mama bese bia Para mamali so sote na bolingo Ketwa munwe Nanyalo beli yomu mama mabe Baby, ta change mama ngana kokate. Simba mimba janga mama retinga na kondi magatero. Jaja taba una kondi mase. Semule bende na kondi mase. Wati swana koko kana ngaite ya kato mokuru. Oho, oho, mwana sukae. Meke nilisi. Agarame pweza sena yo. Schengen, place ta femme à passe. We'll be right back. Wadani Dori. Papa. Nous sommes là, c'est clair.